Erosmose, érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio. Bonsoir chers amis, ho ho ho, comme dit le gros monsieur barbu qui vous émoustille peut-être quand vous parcourez les rues de la cité ou bien les galeries marchandes en ces périodes de mois de décembre, ho ho ho, soyez les bienvenus disais-je sur Osmose Radio. Vous êtes bien dans votre émission mensuelle consacrée à l'érotisme et à la sexualité, vous êtes bien avec Stéphane notamment dans Erosmose, Stéphane qui heureusement n'est pas tout seul sinon cette émission serait un petit peu tristounette sans sa contrepartie féminine. Bonsoir chers amis. Bienvenue sur Osmose Radio pour l'émission Erosmose. Je ne vais pas vous faire le oh oh oh. Je peux peut-être essayer de vous faire le ah ah ah. On verra plus tard. On te fait confiance en ce qui concerne ce genre de onomatopées grivoises qui vont un petit peu ponctuer l'émission ce soir. Pourquoi ? Parce qu'en ces périodes de fêtes de fin d'année, eh bien, qu'on vous propose, qu'on vous espère, qu'on vous souhaite en tout cas joyeuses, chers amis, il y en a une qui passe de moins en moins inaperçue au fur et à mesure que passent les années. C'est une célébration qui aura lieu ce week-end, dimanche 22 décembre, qui est le solstice d'hiver et qui est aussi la journée mondiale de l'orgasme, dont on parle depuis quelques années et sur laquelle on va un petit peu revenir ce soir dans Erosmose, chers amis. Et du coup, comme on va parler un petit peu de Noël en général et de cette journée internationale de l'orgasme en particulier, eh bien, je vous propose de nous mettre dans l'ambiance avec une des voix les plus sexy du rock'n'roll qui ait jamais été. Évidemment, je pense à Elvis Presley, le King, évidemment. Et on va écouter tout de suite le titre « Blue Christmas ». I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear. C'était une voix suave, une voix super sexy, une voix intemporelle bien entendu, celle du King Elvis Presley, qui, comme tous les chanteurs américains depuis les années 1940, a sacrifié à la tradition des chants de Noël qui est propre à la musique anglo-saxonne en général et le rock'n'roll en particulier. Comme disait en off à l'instant, Laurence, c'est un peu une musique de striptease. Mais tu ne feras pas démonstration vu qu'il fait un peu frais dans les studios c'est et qu'on est en pull. Voilà, chers amis. Et du coup, on avait envie de vous parler puisque c'est la période des fêtes, la période des fêtes et des cadeaux. C'est le Noël du porno peut-être parfois. Et du coup, on s'était dit qu'on allait un petit peu revenir sur la période des fêtes et de Noël en particulier. On l'a déjà fait les deux années précédentes, puisque ça fait déjà deux ans qu'Erosmose existe. Il y a deux ans, on avait par exemple interviewé la gérante d'une boutique érotique d'Avignon. Vous pouvez retrouver ça dans dans les podcasts du site www.osmos-radio.fr, si le cœur vous en dit. L'année dernière, moi-même, je vous avais parlé un petit peu de tous les sextoys, les nouveautés parmi les sextoys qui s'imposent au fur et à mesure des années, parce que la cybernétique est quelque chose devenu quelque chose de très courant, avec les objets connectés à Internet notamment. Les matières évoluent, on a des silicones qui étaient utilisés qu'en chirurgie plastique, par exemple, dans le passé, et qui maintenant servent à faire ce genre d'objets, etc., etc. Donc du coup, depuis quelques années, on a des innovations régulières dans tout ce qui est jouets pour adultes, hein, parce qu'après tout, il n'y a pas que les enfants qui, en ces périodes de fêtes de fin d'année, ont droit à des jouets. Et du coup, ce soir, j'ai envie de revenir un petit peu sur le sujet en vous parlant des nouveautés de cette fin d'année 2019 en ce qui concerne les sextoys. Et alors, j'ai un truc qui m'a vraiment fait rire, bien que ce soit fort vulgaire, je m'en excuse. Un truc que j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, c'est un fabricant de, je sais pas si c'était des farces et attrapes, qui a créé des boules anti-stress. Donc, a priori, rien à voir avec des sextoys. Oh non, mais... Mais voilà, si vous avez des problèmes avec... votre mari, votre Jules ou votre patron, eh bien, il se trouve que ces boules anti-stress sont en forme de testicules avec des petits poils synthétiques, etc. Et donc, c'est assez bien imité. C'est super pour amener au boulot, tu vois. Les boules anti-stress à tripoter, ça va être d'un chic total. C'est distingué, mais en tout cas, il faut croire que c'est efficace. Hein, si on a affaire à quelqu'un de la gente masculine qui vous harcèle ou qui vous harasse, même si vous n'êtes pas dans le Nord-Pas-de-Calais. Harasse, ah bah oui, haha, on est sur Erosmos quand même. Oui. On a un standard au niveau de l'humour à tenir. Et un autre truc tiens, qui moi a bien fait rire, que j'ai appris récemment, c'est le fameux pornographe Marc Dorcel, qui est à la tête donc d'un empire du cinéma pornographique, qui dans sa boutique en ligne s'est aussi investi dans la distribution et la création de jouets pour adultes de sextoy. Et par conséquent, là, il y en a créé un qui est plutôt mignon, je trouve, encore que peut-être qu'à l'arrivée, ce sera un petit peu pourri, je ne sais pas, mais ce sont des bougies un petit peu spéciales, c'est-à-dire qu'elles sont d'un diamètre assez important. Je ne dis pas ça pour vous donner des idées, mais le fait est que quand vous les allumez, bien la cire, évidemment, puisque c'est une bougie, va finir par couler, et au fur et à mesure qu'elle se consume, la bougie va finir par diminuer de taille et elle va révéler quelque chose. Et du coup, là, en l'occurrence, elle va révéler un sextoy dont vous pourrez avoir l'usage une fois que la bougie sera fondue, tout simplement. Mais ce n'est pas un canard, on en a marre des canards, vous savez. Hein, c'est... Alors, il y a différents petit truc, alors en ce qui concerne Marc Dorcel. Métallique quand même, parce que les canards, on s'en fout un peu quand même. Il y a bougie noire, il y a trois couleurs qui correspondent à trois sextoys qui se trouvent. C'est un petit peu comme le, je m'excuse de citer une marque, mais le Kinder Surprise qu'on avait quand on était petit, ou le cadeau bonus, hein, tu vois, qu'on avait dans les paquets de lessive. Eh bien, on savait jamais vraiment ce qu'on allait avoir comme surprise. Et là, ce sera un petit peu pareil. Donc, vous avez une bougie de telle couleur, une autre de telle couleur, qui révélera à chaque fois un sextoy différent. Et je sais que la bougie rose, par exemple, eh bien, vous aurez des boules de geisha qui, faudra nettoyer un petit peu la cire qui sera dessus quand même, mais sinon vous avez la bougie blanche, ce sera un anneau vibrant par exemple, une autre ce sera un plug, une autre encore je ne sais quoi. Voilà, vous aurez plusieurs couleurs qui révéleront plusieurs sextoys, donc pour votre plus grand plaisir si j'ose Joyeux dire. Joyeux Noël. Tiens, en parlant de boules de geisha, de sextoy, tout ça, toi, Laurence, tu nous as ramené à un objet déjà fort ancien, puisqu'on en trouvait déjà, en Chine ancienne. Et alors, si tu me permets de revenir sur cette fameuse journée mondiale de l'orgasme, parce que moi, j'avais envie de vous dire deux petites choses avant de vous parler de l'œuf de Yoni. Cette fameuse journée mondiale de l'orgasme, elle était appelée autrefois l'orgasme mondial pour la paix dans le monde. Bon, après, elle est devenue journée mondiale de l'orgasme, on n'a pas besoin d'une journée mondiale pour avoir des orgasmes. Mais je voulais juste vous dire ceci, c'est qu'en décembre 2014, lors de cette fameuse journée, c'était une des journées de l'orgasme, deux sexologues qui tentent de percer les mystères de l'extase sexuelle, Jean-Claude Picard, auteur de La fabuleuse histoire du clitoris, ça aussi, c'est un livre que vous pouvez offrir pour Noël, Excisez, passez votre chemin, et Marie-Noël Lamuit ont lancé un appel à volontaires pour mesurer les fréquences cardiaques au cours du point culminant de l'acte sexuel. Et il s'est trouvé tout de même 200 participants prêts à se brancher ce soir-là sur un cardio-fréquence-mètre pendant leurs joutes amoureuses. Ce qui fait quand même penser qu'on regrette quand même que le président Félix Faure n'ait pas pu bénéficier de ce genre d'avancée scientifique. Voilà, c'était mon petit... Félix Faure, qui, rappelons-le, était un ancien président de la République des années 1920, qui était mort d'épectase, c'est-à-dire qu'il a vu un arrêt cardiaque pendant un orgasme dans son bureau avec une personne qui n'était pas sa femme. Non, mais la petite dame en question, elle était d'ailleurs très... Elle avait du tempérament, hein. Donc, mon Félix Faure, il s'amusait, le pauvre, la politique... Pas si fort que ça, hein. La politique, c'est pas forcément toujours rigolo, on en sait quelque chose. Alors, pour l'œuf de Yoni, l'œuf de Yoni, c'est un, comme son nom l'indique, c'est un œuf en pierre semi-précieuse qui avait entre autres vertus quand même celle de rééduquer le périnée. Donc, on s'est aperçu que... Attends, je retrouve mes fiches parce que... Rééduquer ou tout simplement muscler. Enfin, rééduquer peut-être après un accouchement difficile. Rééduquer et muscler le périnée par la même occasion, puisque c'est nous les femmes... Monsieur, vous avez aussi un périnée, mais nous en parlions hors antenne. L'œuf de Yoni ne vous servira à rien. Mais ce périnée, il est mis à mal pour beaucoup de femmes qui ont accouché et au cours de leur grossesse, il se distend. Et quand il est trop distendu, il arrive qu'on ait des... Des fuites urinaires, des choses comme tout ça. Tout à fait, c'est pas très très sexy, c'est pas très érotique, mais ça arrive. Donc il faut rééduquer ce périnée. Donc à l'origine, c'était un petite chose taoïste qui nous venait de ces pays d'Extrême-Orient. Voilà, et on a découvert donc que ces fameux œufs de Yoni qui est donc en pierre semi-précieuse, eh ben il permet de booster la libido et d'atteindre des orgasmes plus intenses. D'abord parce que le périnée enserre le vagin et que le plancher pelvien renforcé offrira de meilleures sensations à la femme et à son partenaire. Bon voilà, ça c'est une kiné qui nous le dit, donc faut la croire. Et il faut choisir son modèle parce qu'il y a plusieurs modèles. Il y a trois tailles, le petit, le moyen, le grand. Mais le plus grand ne fait que 3,5 cm. De diamètre ou de hauteur? 3 cm, ça ne fait pas beaucoup en hauteur, hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Oui, voilà. Plus, hein. Et ensuite, il faut choisir la pierre de son œuf en quartz rose, la pierre de la tendresse et de la sérénité qui plaît beaucoup. Bon, y a bien les croyances, après, c'est de la lithothérapie. Hein. Et en pratique, les débutantes choisiront un modèle percé. Bah, tu vois, je n'avais pas lu un modèle percé à la base qui permettra d'y passer une ficelle afin de faciliter son retrait. On peut en parler aussi, ça s'introduit exactement comme un tampon. Voilà, après... Mais il pouvait, à part maladresse, il pouvait rester coincé, c'était très ennuyeux. Oui, c'est pour ça qu'on finit aux urgences et on arrive aux urgences le lendemain de Noël parce qu'on a coincé le cadeau de son chéri, l'œuf de Yoni, et que ça fait toujours un peu désordre d'arriver à l'accueil des urgences et de dire, bon, qu'est-ce qui vous amène? Vous avez votre carte vitale, votre carte mutuelle, et de dire, ben, j'ai un œuf de Yoni coincé là. Pardon, vous pouvez répéter, c'est difficile, tu vois. Donc bon, voilà, c'est moi je fais rapide. Tes collègues qui travaillent à l'hôpital. Je fais rapide, oui, mais bon, on connaît ça aussi. On a d'autres petites choses croustillantes, mais c'est pas le moment. Donc l'œuf de Yoni, c'est ce qui ouvre une porte vers une sexualité plus épanouissante, que vous soyez célibataire. Nous permet non seulement d'avoir des facilités pour des épreuves assez dures comme vous, mesdames, l'accouchement. L'accouchement se passe d'autant mieux que les femmes ont un vagin musclé. Donc du coup, l'intérêt d'éduquer les petites filles à ça, peut-être, avec ces fameuses œufs de Yoni. Et là, on est plus carrément dans l'éducation sexuelle que dans les sextoys. Hein. On a un petit peu évolué. Et aussi, pour les hommes, alors il ne s'agit pas d'utiliser des œufs de Yoni, mais c'est vrai que le fait de muscler son périnée, et il y a des sextoys qui vont dans ce sens-là, permet aussi d'améliorer la qualité non seulement des orgasmes aussi, et ça c'est valable pour les hommes et les femmes. On jouit d'autant mieux qu'on est musclé à ce niveau de notre anatomie. Voilà. Mais tout à fait Stéphane, tout à fait. Donc ne vous contentez plus seulement d'aller faire courir quelques kilomètres le matin avant de prendre votre petit déjeuner. Il y a d'autres sports à faire pour muscler d'autres parties de votre corps que vous auriez tendance à peut-être négliger. Voilà, et du coup, j'en reviens à des sextoys peut-être un peu plus frivoles, un petit peu plus olé-olé et moins à vue éducative, si j'ose dire. C'est un petit peu ceux qui correspondent aux nouveautés 2019. Notamment, je vous disais, des objets parfois connectés. Et là, j'ai découvert un espèce de nouveau vagin artificiel tel qu'ils existaient dans les années 80-90, quand c'est commencé à apparaître, ce genre de truc. Un vagin artificiel, donc, Il faut que le pénis soit déjà en érection, ça ne concerne que les hommes. Il faut que le pénis soit déjà en érection et vous le mettez dans cette espèce de gaine, ce fourreau, et dans lequel bah, il y aura des tas de petites moteurs vibrants qui se chargeront de vous tirer des orgasmes exceptionnels. Mais c'est pour les hommes célibataires en mal de compagnie ou éventuellement, oui, d'accord. Bon. Ah ben, je ne sais pas, je suis pas allé leur demander, mais ce qui m'a intrigué par contre, c'est que ces objets, ben, ce qui existe depuis longtemps, je te répète, parce que les vagins artificiels, ça existe depuis, à mon avis, même depuis plus longtemps que les possibilités mécaniques actuelles le permettent. Mais il faudrait aller voir dans les grottes de Lascaux, etc., ce qui nous en est resté à ce niveau-là. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a les objets connectés, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est ce masturbateur, puisqu'il est appelé comme ça sur les sites de vente en ligne, ce masturbateur est connecté en Bluetooth et peut éventuellement vous permettre de compter les calories que vous avez éliminées avec votre orgasme et avec le temps que vous avez passé là-dedans, si j'ose dire. En même temps, voilà. Ça donne faim quand même. Donc, tu perds des calories, puis après, tu te précipites pour manger un morceau de camembert. C'est sympa, le camembert après l'amour. Alors ça, moi, j'aurais pensé plutôt... Moi, ça donne faim. Je trouve que ça donne faim. Donc, la perte de calories... Comment on appelle cette protéine qui est liée à l'orgasme déjà L'endorphine cette, l'ende, non, ça c'est, ça, c'est une, norme, bonheur, c'est oui, une non, hormone alors... humaine. Il y a une molécule dans la caséine, je crois, voilà, qui permet de sécréter avec le chocolat une protéine qui permet de stimuler les hormones liées à l'orgasme justement dans le métabolisme humain. Voilà. Bon bref. Et donc vous avez ce genre d'outils un petit peu insolites qui moi me fait toujours hausser le sourcil. Vous avez les boules anti-stress dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, pour conclure un petit peu sur le sujet, pour ce qui concerne les nouveautés 2019, il y a aussi évidemment les grands classiques, hein, les préservatifs parfumés, les bouches, les huiles de massage, etc. Voire la littérature spécialisée. D'ailleurs, tout à l'heure, Laurence, tu auras peut-être une petite bibliographie à nous révéler. Courte, parce que quand même, vous avez d'autres choses à faire que lire. Ah, mais même quand c'est court, ça peut être bon. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et il y a un truc aussi qui a attiré mon attention, c'était par rapport à la réaction un petit peu outrée d'un évêque belge, en fait. Oh, bah oui, mais un évêque. Mais non, mais un évêque qui parlait du calendrier de l'Avent, qui n'a a priori, qui a pour prétexte les mœurs liées aux fêtes de Noël, donc des mœurs catholiques, mais qui a priori n'a jamais été validé par l'Église en principe. Mais lui, en tant qu'évêque, il voyait plutôt quelque chose de sympathique, puisque ça permettait, parce qu'il disait qu'à la base, dans le temps, les calendriers, il y avait des petits, un petit peu comme dans les fortune cookies, là, les biscuits qu'on a dans les restos chinois, quand tu le manges, il y a un petit rouleau avec une petite maxime écrite sur le papier, ou comme dans les papillotes aussi, hein, les papillotes avec une petite citation, eh bien, dans les calendriers de l'Avent, dans le temps, d'après ce monsieur, il y avait des passages des évangiles dans les petites cases du calendrier qu'on ouvrait d'une journée sur l'autre. Et après, c'est devenu des petites friandises, des petites surprises, etc., au gré de la fantaisie régionale ou des mamans qui les confectionnaient pour leurs enfants. Et du coup, ben, évidemment, avec la société de consommation, tout ça, s'est transformé assez vite. Et aujourd'hui, bon, on a des chocolats ou des confiseries industrielles. Et aussi, ben, avec la diversification du business des sextoys et des jouets pour adultes et de tout ce qui est marchandise liée à la sexualité et l'épanouissement personnel à ce niveau-là, eh bien, on a des calendriers de l'Avent coquins qui révèlent dans chaque case, par exemple, des préservatifs humoristiques avec différents parfums ou différents emballages tous plus humoristiques que les autres, avec des noms de super-héros, par exemple. Vous avez... aussi là des petites là encore c'est plus des citations de l'évangile mais c'est des petits rouleaux de papier, des petites citations avec des filles action vérité par exemple, ce genre de choses, voilà. Et donc ça, cet évêque belge dont je ne retrouve plus le nom, pardonnez-moi, eh bien s'est trouvé assez outré et il a un petit peu dénoncé, voilà, il s'appelle Tommy Scoltes, il a un petit peu dénoncé le fabricant français qui avait commercialisé, c'est toujours la faute des Français décidément, qui avait commercialisé ce genre de calendrier de l'Avent un petit peu fripon, voilà, et qui en tout cas lui faisait, sinon hausser le sourcil, du moins hausser le ton, si, puisque ça n'allait plus du tout dans le sens de la ferveur religieuse et de la parole des évangiles. D'après lui, hein, parce qu'à ma connaissance, aucun des quatre évangélistes n'a jamais appelé à rester tout à fait chaste. Hein. Voilà, voilà. Et du coup, ben, je parle de la Bible, mais un petit peu, parce qu'on est dans les fêtes de Noël qui correspondent un petit peu à un passage de ce grand livre-là, mais il y a une bibliographie peut-être un petit peu plus intéressante que tu vas nous révéler peut-être. Alors, puisque nous en parlons, eh bien, moi je vous ai sélectionné trois ouvrages et un extrait d'un ouvrage. Alors, je vous ai sélectionné « Le petit éloge de la jouissance féminine » d'Adeline Fleury, c'est aux éditions François Bourin. Là, ben oui, ah, déjà, avec le nom, c'est un poème. Ça, quoi. Ça ne s'invente pas. C'est comme ça, aux éditions François Bourin. C'est un petit peu largement autobiographique. Et par exemple, j'ai un tout très court extrait de ce livre. Elle annonce la couleur. Elle dit « Cette nuit, j'ai joui. J'ai joui pour la première fois de ma vie. J'ai senti cette chaleur intense m'emplir de l'intérieur du vagin. » Etc, etc. Je vous dis pas tout, hein, parce que voilà. Donc ça, c'est « Petit éloge de la jouissance féminine » d'Adeline Fleury. L'ami Chuck Palahniuk qui est sur une traduction de Clément Baudet. Son ouvrage s'appelle très justement « Orgasme ». Alors, c'est Chuck Palahniuk, il avait écrit « Fight Club ». Ben là, c'est une histoire voilà. Différente. Merci. Vous pouvez aussi retourner au cinéma, pas retourner au cinéma, mais vous allez peut-être pouvoir aussi vous inspirer largement de quand Harry rencontre Sally. Il y a une fameuse scène intéressante. Qu'on avait diffusée dans Erosmos d'ailleurs. Mais tout à fait. Et puis, oui, parce que c'est quand même beau texte. Attends, maintenant que tu. C'est une scène en fait qui se passe au restaurant où il y a Harry qui affirme qu'aucune femme n'a jamais simulé avec lui. Et Sally lui répond que toutes les femmes simulent, mais que les mecs sont tellement dans leur délire qu'ils sont, ou alors pétris d'orgueil qu'ils ne s'en aperçoivent même pas. Et là, il la met au défi et elle relève le défi. Ils sont au restaurant, ils sont en public, dans un lieu public, et elle simule un orgasme. Et il se tape un petit peu la honte, mais c'est une scène vraiment mémorable du cinéma américain. Voilà. Et il y a une. Et juste après qu'elle ait terminé de ses gémissements à 120 décibels, il y a une dame à la table d'à côté qui va appeler un serveur et qui dit « S'il vous plaît, je voudrais la même chose qu'elle. » Alors voilà, ça me fait crever de rire. Quoi. Mais c'est pour ça que je cite, parce que moi j'adore aussi cette scène. Mais tu sais bien que j'ai encore perdu mes feuilles. Mais en fait, il y a aussi un truc, c'est que là, Chuck Palahniuk, il parle d'orgasme et l'écrivaine que tu citais avant parlait de jouissance. Alors là, il y aura une nuance sémantique que tu nous préciseras tout à l'heure. Oui, ouais. Tout à fait. Donc à cet aspect-là. Et sinon, bah, parmi tous les livres aussi que vous pouvez offrir, bien entendu, il y a les grands classiques hein, de la littérature. Eh bien, c'est d'ailleurs d'un grand classique que je vais vous parler. Alors, j'ai choisi ce texte parce que tout le monde ou presque connaît Colette. Colette, c'est un personnage un petit peu frondeur, quand même, à une époque. Elle était très dévergondée, Colette. Elle était, était libre. Dévergondée, libre. D'après un point de vue. Moi aussi, elle a été un peu dévergondée, quand même. Parce que donc, le texte que je vous ai choisi, il est tiré de ce bouquin, L'ingénue libertine. Donc, on retrouve L'ingénue libertine, vous pouvez le trouver absolument partout. Hein. C'était les éditions Albin Michel. Vous le trouvez en format poche. Ça ne coûte pas très cher. Et là, eh ben, je vais vous lire le texte. Elle vit, comme elle l'avait vu tant de fois, noir au-dessus d'elle, faunesque et barbu, ce grand corps exhalant une odeur comme d'ambre et de bois brûlé. Mais aujourd'hui, Antoine a mérité plus qu'elle ne saurait lui donner. Il faut qu'il m'aie bien, que cette nuit le comble. Il faut que j'imite pour lui donner la joie complète, le soupir et le cri de son propre plaisir. Je ferai « Ah !» C'est dans le texte, je suis désolée. Hein. Comme Irène Chaulieu en tâchant de penser à autre chose. Ma page. Elle glissa hors de la chemise longue, tendit aux mains et aux lèvres d'Antoine, les fruits tendres de sa gorge et renversa sur l'oreiller, passive, un pur sourire de sainte qui défie les démons et les tourmenteurs. Il l'aménageait pourtant, l'ébranlait à peine d'un rythme doux, lent, profond. Elle entr'ouvrit les yeux. Ceux d'Antoine, encore maître de lui, semblaient chercher mine au-delà d'elle-même. Elle se rappela les leçons d'Irène Chaulieu, soupira comme une pensionnaire qui s'évanouit, puis se tut, honteuse, absorbée, les sourcils noueux Dans un dur et voluptueux masque de paon, Antoine prolongeait sa joie silencieuse. « dit-elle encore, malgré elle, car une angoisse progressive, presque intolérable, serrait sa gorge, pareille à l'étouffement des sanglots près de jaillir. Une troisième fois, elle gémit, et Antoine s'arrêta, troublé d'entendre la voix de cette mine qui n'avait jamais crié. L'immobilité, la retraite d'Antoine ne guérirent pas mine, qui maintenant trépidait, les orteils courbés, et qui tournait la tête de droite à gauche, de gauche à droite, comme une enfant atteinte de méningite. Elle serra les poings, et Antoine put voir les muscles de ses mâchoires délicates saillir, contracter. Il demeurait craintif, soulevé sur ses poignets, n'osant la reprendre. Elle gronda sourdement, ouvrit des yeux sauvages et cria « Va donc !» Un court saisissement le figea au-dessus d'elle, puis il l'envahit avec une force sournoise, une curiosité aiguë meilleure que son propre plaisir. Il déploya une activité lucide, tandis qu'elle tordait des reins de sirène, les yeux refermés, les joues pâles et les oreilles pourpres. Tantôt, elle joignait les mains, les rapprochait de sa bouche crispée et semblait en proie à un enfantin désespoir. Tantôt, elle haletait, bouche ouverte, enfonçant au bras d'Antoine dix ongles véhéments. L'un de ses pieds pendant hors du lit se leva, brusque, et se posa sur la cuisse brune d'Antoine, qui tressaillit de délices. C'est beau, hein ? Tout à fait. Et... c'est du Colette. C'est donc de l'ingénue libertine. Pas forcément la littérature la plus 21e siècle, mais c'est quand même à lire. C'est du 20e siècle, c'est pas si loin. Et puis on connaissait les ingénues de Sade, ou les libertines d'un libertin de Sade lui-même. Bon, ben là, en l'occurrence, la femme est plus sujet qu'objet dans ce genre de littérature. Oui. Et pour autant, moi, je vous passe du coup sur tout encore les petits bijoux de technologie qu'on trouve dans les rayons des magasins ou sur les sites de vente en ligne concernant les sextoys connectés avec des petits moteurs tout à fait novateurs, miniaturisés, etc. Puisque tu fais bien de nous rappeler avec ce texte que, après tout, le meilleur sextoy qui soit, même si j'ai horreur de chosifier les gens, le meilleur sextoy qui soit, c'est encore un partenaire sexuel dévoué, attentionné et gentil. Voilà. On ne le dira jamais assez. Ouais, Nourdine nous fait signe. Nous avons des signes cabalistiques de Nourdine. À défaut de partenaire, on peut avoir une main. D'ailleurs, comme dit le proverbe, le fameux adage populaire, hein, l'amour, c'est comme la belote. Si tu n'as pas un bon partenaire, tu as intérêt à avoir une bonne main. Voilà, chers amis. Et du coup, nous, on aura fait un petit peu le tour de ces friponneries, de ces petites cochoncetés de Noël que vous pourrez peut-être retrouver ou vous offrir ou offrir, que ce soit pour faire plaisir ou que ce soit pour faire chier, parce qu'après tout, des fois, on peut avoir envie d'offrir des cadeaux pour embêter quelqu'un dans la famille. Et je vous propose de faire une pause musicale, du coup, chers amis. Une pause musicale, et après, on viendra un petit peu plus précisément à ce thème de la journée mondiale de l'orgasme qu'on tenait à aborder aujourd'hui en parallèle des fêtes de fin d'année. Et du coup, je vous propose d'écouter une autre dame qui a la voix sensuelle, elle aussi, mais peut-être pas autant que toi, Laurence. C'est Kylie Minogue qui chante un instant Santa Baby. Elle chante mieux que moi. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. to cutie, fill my stocking with the duplex and checks. Sign your ex on the line, said to cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree. Devant la cheminée, caresser ton corps de déesse, te faire gémir et transpirer. Je n'ai plus qu'une idée en tête. Chef. Te faire l'amour, te faire l'amour, te faire l'amour, te faire l'amour, bébé. L'amour. Vous vous sentez pas mieux? Non. Je n'ai plus qu'une idée en tête. Te faire l'amour, te faire l'amour, te faire l'amour, te faire l'amour, baby. Et là, les enfants de la fameuse série South Park, il y a 20 ans déjà, dans les premiers épisodes, disaient à Chef, le cuisinier de l'école, « Mais arrêtez, c'est pas de ça qu'on vous parlait. » Parce que Chef, dans cette fameuse série, avait tendance à chanter des chansons un petit peu olé olé à ces jeunes gens à l'instant. Mais bon, je fais beaucoup moins la voix suave d'un grand chanteur noir comme Isaac Hayes à l'instant. Voilà, c'était un petit extrait, évidemment, vous l'aurez reconnu, de la série South Park, qui parle de Chef, où donc Chef chante aux enfants une petite ritournelle sexy, hein, dans laquelle il est question de coucher tout nu devant la cheminée, parce que qui dit fête de Noël dit réjouissance devant la cheminée dans l'imaginaire. Comment donc ? Et donc voilà, donc que ce soit avec les enfants en faisant fondre de la guimauve dans le foyer de la cheminée, ou que ce soit avec sa dulcinée sur une peau de bête, enfin non, une peau en imitation, bien entendu, je dis ça parce que sinon on va voir les véganes sur le dos, sur la moquette synthétique, voilà, en train de faire des cochoncés devant les flammes. Une très mauvaise blague Vuillemin, le dessinateur, qui est extrêmement raffiné aussi. De l'écho des savanes, ouais. Tout à fait, moi j'aime beaucoup Vuillemin, mais tout le monde n'est pas obligé d'aimer Vuillemin, donc il y a un dessin qui circule actuellement un peu partout sur Facebook. On est pendant la période des fêtes de Noël, on va manger de la dinde au marron, et Vuillemin rappelle, en dessinant une dinde, il fait dire à la dinde, c'est pas parce que tu vas me fourrer trois marrons dans le cul que les choses vont s'améliorer pour toi. C'est vrai. Tout à fait. Et d'ailleurs, bah tiens, on parlait de Thanksgiving dans la dernière émission d'Erosmose, à propos de la condition de la femme chez les Amérindiens. Et du coup, là, le dilemme ne revient, dinde ou pas dinde, sur la table de Noël pour les agapes de fin d'année. Voilà. Mais bon, bref, avant ces considérations, on avait une pause musicale dans laquelle on enchaînait deux morceaux. Tout d'abord, Kylie Minogue avec le titre Santa Baby, hein, une de ces fameuses ritournelles de Noël qu'aiment interpréter les artistes anglo-saxons, y compris en Australie. Et c'est enchaîné juste après avec James Brown, qui lui aussi sacrifiait, mais avec un côté beaucoup plus funky, à cette fameuse tradition, avec ce morceau qu'il interprétait à l'instant, Soulful Christmas, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette émission. Donc je ne vous cache pas que même pour ce qui est de la musique, je suis particulièrement content de préparer Erosmose. Vous nous rejoignez peut-être, chers amis. Soyez les bienvenus si vous êtes débarqués à l'instant sur Erosmose Radio. Vous êtes bien avec Laurence, avec Stéphane, avec Nourdine, bien entendu, dans Erosmose, l'émission mensuelle consacrée à l'érotisme, à la sexualité. Et ce mois de décembre, on tenait à vous parler, dans une première partie d'émission, des nouveautés pour ce qui concerne les jeux pour adultes de Noël. Et dans une seconde partie d'émission, on va vous parler un petit peu d'une des réjouissances des fêtes de fin d'année, dont on parle de plus en plus depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire la journée mondiale de l'orgasme, qui coïncide avec le solstice d'hiver. Ce sera donc cette année, le dimanche 22 décembre. Et on parlait d'orgasme, on va en parler un petit peu, et on parlait de jouissance aussi tout à l'heure. Et là, il y a une nuance sémantique à faire. Tu vas en parler, parce que moi je fais partie des... Je vais vous livrer deux, trois petites vérités. Vérités ou contre-vérités ? Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En tous les cas, la recherche de l'orgasme absolu, eh ben, c'est le contraire de la jouissance. Hein. Ça peut bloquer, clairement. Ça, on est bien d'accord, et d'ailleurs on a l'occasion d'y revenir, parce que la société, la presse, féminine ou pas d'ailleurs, etc., nous pousse tellement à cette considération, à ce dévoiement en quelque sorte, de quelque chose qui devrait être naturel, émancipateur et épanouissant, qui est donc l'orgasme, qui fait que quand on court derrière comme le lièvre au lièvre ou quoi, eh bien finalement on passe à côté de quelque chose. Et du coup, ben, ça, on aura l'occasion de revenir un petit peu plus en longueur là-dessus. Je crois, c'est ce qu'on appelle aussi la petite mort. Quand on oublie de vivre, en tout cas, c'est la grande mort. De profiter de la vie, ça c'est bien. Mais alors, d'où ça vient cette histoire de journée mondiale de l'orgasme ? Commençons déjà par ça. Eh bien, en fait, cette journée, alors c'est une de ces journées mondiales à la con qui ponctue un petit peu le calendrier. J'ai même vu qu'il y avait un site consacré à toutes les journées mondiales. Vous avez, pour ce qui concerne nous, la sexualité, vous avez au mois de mai la journée mondiale de la masturbation, par exemple. Là, c'était un petit peu un autre délire, mais vous avez le site internet Pornhub, qui est le plus grand site de pornographie en ligne, un de ces fameux tubes, qui avait fait le No Nut Month pour ce qui est le mois de novembre. Donc, vous savez qu'en France, on avait le mois sans tabac. Eh bien, Pornhub s'était amusé à mettre ses membres et ceux qui traînaient sur le site au défi de ne pas se masturber pendant tout le mois de novembre, d'où le jeu de mots No Nut November. Donc, vous ne viderez pas les noix pendant le mois de novembre, pour donner une traduction grivoise. Voilà. Et bien donc, il y a des tas de journées comme ça. Et en ce qui nous concerne, et pour les thèmes de cette émission, il y en a aussi notamment la Journée mondiale de l'orgasme qui a été tout d'abord créée en 2006. Donc, c'est pas si vieux que ça. Par deux universitaires américains de l'université de Princeton dans le New Jersey, sur la côte est des États-Unis, c'est Donna Sheehan et Paul Reffel qui sont aussi à la tête d'une association qui s'appelle Global Orgasm for Peace, donc ayez des orgasmes pour la paix mondiale. Alors déjà, on se met un petit peu dans le contexte. Hein. Ce sont deux universitaires qui sont donc dans un milieu d'intellectuels pas forcément coupés de la société, il ne faut pas être injuste, mais qui sont parfois un petit peu dans leur bulle, ou tout au moins idéologique. Et ils sont un petit peu, peut-être pas des anciens hippies, mais en tout cas, ils sont un petit peu influencés par cette idée de tout et dans tout, hein, ce vieux idéal hippie de la fin des années 60. Et leur volonté initiale en créant cette journée mondiale de l'orgasme était que, en fait, on est d'autant moins violent qu'on est plus épanoui au niveau sexuel. Ce qui est un postulat que je trouve tout à fait légitime et pertinent. Et que par conséquent, si tout le monde avait un orgasme le 22 décembre, le jour du solstice d'hiver, si l'humanité, tous les individus avaient un orgasme ce moment-là, ça créait tellement d'hormones de bonheur ou de vibrations cosmiques, pour reprendre un petit peu leurs idées, que finalement, ça annihilerait toute violence sur Terre et ça mettrait fin aux guerres, patati patata. J'exagère un petit peu peut-être leur raisonnement, mais l'idée c'était celle-là, qui faites l'amour, faites pas la guerre. Donc on est encore dans cette idéologie hippie, qui est tout à fait bien intentionnée à la base, hein, mais qui des fois part dans des considérations que je trouve quand même parfois un petit peu grotesques. Parce que c'est pas parce que en Californie ou dans le New Jersey il va y avoir beaucoup de gens qui ont un orgasme que ça va empêcher des dictatures à l'autre bout de la planète de massacrer des opposants politiques. Mais l'intention est plutôt mignonne. Et par contre, au niveau ce qui est des individus, effectivement, il y a quand même beaucoup de violences, notamment les violences morales et psychologiques qu'on a pu observer autour de nous, que ce soit avec un chef dans l'entreprise, un chef abusif par exemple. Des fois, combien de fois avec des collègues, on s'est dit « mais celui-là, il a besoin de tirer un coup, c'est pas possible ». Ou alors que ce soit avec une grand-mère revêche quand on était petit qui nous mettait des claques, etc. On disait « mais c'est pas possible, quoi. Elle a jamais... On avait beau être petit... » On l'a pas tiré. On avait envie de la tirer comme un lapin, mais c'était pas tout à fait dans le sens que vous imaginez une fois adulte. C'était plutôt avec notre fusil à bouchon. Et du coup, c'est vrai qu'on se disait, mais on n'avait pas forcément à cet âge-là les notions d'orgasme, de plaisir sexuel, etc., ou de consentement, mais on s'imaginait quand même que des adultes étaient censés avoir du plaisir à faire ces choses-là. Et du coup, si elle était aussi méchante, c'est que peut-être qu'elle avait jamais eu de plaisir sexuel, tout simplement. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que je dis que l'idée initiale de cette journée mondiale de l'orgasme est plutôt bonne, même si la façon dont elle a formulé et l'idéologie qui sous-tend un petit peu ça m'apparaît, à titre personnel, parfois un peu grotesque. Mais ça a au moins un point positif. Il y en a aussi des négatifs, on y reviendra. Ça a au moins un point positif, c'est qu'on parle de l'orgasme et on parle de ce que ça peut impliquer dans nos vies, à nous en tant que citoyens, en tant qu'être humain, tout simplement. Et par conséquent, là, on en revient à cette idée que si on est épanoui au lit, eh bien, on est d'autant moins violent déjà, et ensuite, on est d'autant plus un citoyen productif, en quelque sorte, si j'ose dire. Voilà. Et du coup, il y a pas mal d'éléments qui vont dans ce sens-là, et notamment, en fait, le fait que, en fait, on soit aussi tout simplement, alors là, c'est une réalité biologique, on soit en bonne santé. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Vous me direz, la science, elle a bon dos, hein, parce que s'il y a eu des études, s'il y a un domaine qui. Ah, moi, j'ai des études intéressantes, hein, quand même. Verras plus tard. Mais moi, je veux bien te croire. Mais disons que les chiffres, déjà, on leur fait dire tout et n'importe quoi. Et ensuite, les sites, la presse en ligne ou la presse papier aiment à nous refourguer des tas d'études scientifiques et des sujets un petit peu chauds comme ça, parce que ça fait vendre. Et on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal d'ailleurs. C'est le business. Mais en même temps, c'est pas forcément facile d'avoir des éléments fiables. Mais en les recoupant, on y arrive. Et c'est ce qu'on a fait pour préparer cette émission. Et donc, je peux sans me tromper, hein, et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, vous le saviez déjà, savoir que l'orgasme a des effets bénéfiques sur la santé humaine, tout simplement, au niveau tout simplement de la beauté. On a les cheveux, alors particulièrement pour les femmes, avoir un orgasme, c'est un petit peu comme se faire un gommage. La peau est plus belle après, les cheveux aussi, parce que la sudation permet d'un petit peu de nettoyer les pores, etc. On est aussi, alors il y a un truc assez insolite, c'est que un orgasme permet de se débarrasser d'un hoquet un petit peu trop présent. C'est comme une frayeur quand on est petit, on essaie de faire peur aux enfants pour qu'ils leur passent le hoquet. Bon, mais une fois adulte, on essaie de leur donner un orgasme pour leur faire passer ce vilain petit réflexe. Et puis c'est quand même un peu compliqué ton histoire, parce que avoir le hoquet, ça signifie pour le faire passer avoir le partenaire idéal. Avoir le partenaire idéal, on aura peut-être un orgasme, mais c'est pas garanti. Donc on peut rester avec son hoquet. Ouais, c'est quand même un peu compliqué. Eh ben écoute, ce sera une occasion. C'est scientifique. Ce sera un argument pour remettre ça si ça n'est pas passé la première fois. Et donc, au niveau de la santé générale, ça permet évidemment de lutter contre l'insomnie, mais ça va de soi parce qu'on est tellement épuisé vu la dépense énergétique liée au processus que vous connaissez pour aller vers l'orgasme, que le fait de faire de l'amour brûle tellement de calories d'ailleurs que du coup, on est épuisé après, c'est bien normal. Ça permet aussi de réduire les douleurs articulaires. Notamment, et d'améliorer la santé cardiaque. Bon, on vous parlait de Félix Faure qui avait fait un arrêt cardiaque, ce qu'on appelle une épectase de lui, mais bon, c'était pas forcément un bon exemple. Mais toujours est-il que tous ces détails sont authentiques, sont authentifiés, sont confirmés par la science. Et moi, j'ai envie de rappeler ce que me témoignait une ex qui m'avait beaucoup fait réfléchir, parce que moi, c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément remarqué. Mais elle m'avait raconté que dans la rue, un jour, elle avait croisé une femme qu'elle connaissait pas, une parfaite inconnue. Mais elle avait vu sur son visage qu'elle avait été, pardonnez-moi la vilaine expression, elle s'était faite bien baiser la nuit, quoi. Elle s'était dit, sur son visage, il y avait une elle espèce de plénitude. Vous vous souvenez du slogan de Mitterrand, la force tranquille? C'était ça. Elle avançait, mais pas forcément avec fierté ou en démontrant des tonnes d'arrogance, non, pas du tout. Elle avançait d'un pas calme, avec une espèce de plénitude. C'est le mot d'ailleurs, plénitude. Une force sereine, voilà. et un épanouissement qui rayonnait sur son visage et dans sa posture aussi. Et comme si elle disait, elle avait eu ces mots-là. Comme si la force de l'homme était passée en l'aile. Il lui avait donné quelque chose de sa force. Alors symboliquement, j'imagine qu'il y a des gens qui vont trouver ça une idéologie qui vient du patriarcat, etc. Oh, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ma copine de l'époque qui me l'avait raconté. Je vous les donne les termes comme elle les a sortis à moi. Mais le fait est qu'effectivement, cette anecdote et les termes qu'elle avait utilisés m'avaient beaucoup fait réfléchir. Et du coup, je vous le ressors tel quel quelques années plus tard. Donc effectivement, dans l'orgasme, il y a non seulement des choses positives, en tout cas, ne serait-ce qu'en annihilant certaines choses négatives, comme le fait d'être porté à l'alcoolisme, à la violence ou au harcèlement d'autrui, eh bien, ça a aussi des effets sur notre santé et aussi tout simplement notre comportement. D'ailleurs, je crois que tu avais quelques petites anecdotes aussi de ton côté à nous révéler là-dessus. On y va tout de suite ou... Je t'en prie. Alors, on en a parlé un petit peu moins. Il y a aussi des freins à l'orgasme. Je vais m'adresser peut-être davantage aux femmes. Je m'adresse aux femmes qui ont des soucis avec l'orgasme parce qu'elles sont soucieuses de l'image qu'elles vont renvoyer. Et on ne peut pas passer pour des salopes. Parce qu'elles se font un cinéma dans la tête. Elles risquent de faire du bruit. Leur corps va faire du bruit pendant l'amour et tout. Et tout ça, ce sont autant de freins à l'orgasme. Donc, que vont dire les voisins. Voilà. Et le regard que elles se font tout un cinéma, je dis elles, mais nous, hein, les femmes, parce qu'on est toutes un peu comme ça, le regard que va porter leur partenaire sur leur corps. Alors, les filles, mesdames, mes sœurs, mes amis, oubliez. Allez-y, franco. Bon, franco, allez-y. C'est bon de jouir, et si l'orgasme en plus... Ça fait vraiment du bien. Alors quand même, moi je me suis penchée sur des études hautement scientifiques, ça vous a fait rire messieurs tout à l'heure, mais c'était quand même une étude scientifique qui portait sur une méta-analyse d'une soixantaine d'études sur l'anatomie sexuelle, parce que tout le monde ne peut pas avoir d'orgasme, alors pourquoi cette étude elle portait là-dessus, que les résultats variaient en fonction du sexe. Donc, vous savez donc que le point G existe. Où est-il? Souvent dans votre tête d'ailleurs, mais enfin dans la nôtre aussi. Et ces chercheurs ont découvert que l'angle parfait pour celles qui avaient du mal à atteindre l'extase, parce que leur clitoris était trop éloigné de la paroi vaginale, eh bien les chercheurs notaient que certaines positions étaient beaucoup plus favorables à l'orgasme, la position de l'Amazone, et pour y parvenir, eh bien, ils avaient calculé l'angle de pénétration parfait qui se situait entre 30 et 40 degrés. C'est toujours un peu délicat de faire l'amour avec un compas et un sexton, mais bon, si ça peut aider... Avec un sextendu, c'est mieux quand même. Avec, à gagner un orgasme. Bon, les messieurs, les difficultés, on parle des difficultés pour les difficultés à monter au septième ciel, elles sont aussi d'ordre neurologique. Vous savez, les scientifiques expliquent qu'ils rencontrent des problèmes d'équilibre entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et qu'un déséquilibre, ce déséquilibre peut être lié à un traumatisme, par exemple. Donc, c'est bon à savoir. Sinon, vous pouvez aussi contracter les bons muscles. Ça s'apprend. C'est comme la nage, ça s'apprend. Contracter les bons muscles, choisir telle ou telle position, se focaliser sur sa respiration ventrale. Moi, je trouve que c'est un petit peu compliqué pendant l'amour. Il faut que ça vienne spontanément. Après, s'il faut vraiment dire à son partenaire « Excuse-moi, je choisis ma respiration ventrale, je prends telle position », je trouve que ça a tendance à tuer un peu le côté spontané de la chose. Oui, disons mais que bon, c'est que si pour ceux qui font aider, le tantra... Oui, pour, voilà. pour celles qui ont vraiment des difficultés. Après, bien entendu, il faut pouvoir communiquer. Alors là, j'y vais franco. Si votre partenaire ne prodigue pas les bons stimuli, et dans les bons stimuli, on entend aussi l'éjaculation précoce, le refus de cunnilingus, par exemple, ben, c'est pas très facile de prendre son pied. Mais vous pouvez, sans utiliser l'itinéraire Google Maps, amener l'autre vers vos préférences, par exemple, tu vois. Et c'est bien de se connaître, de faire connaissance, de dire ce qui nous fait plaisir, de dire ce qu'on peut apprendre à recevoir. Lâcher prise, puisque l'orgasme, c'est un abandon. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les sexologues. Mais enfin, bon, quand même, un peu de vécu aussi. Et que souvent, donc j'en reviens, la mauvaise estime de soi, les complexes sont de vrais freins pour les femmes. Donc si c'est votre cas, mesdames, vous bannissez votre miroir interne parce que personne ne vous jugera sauf vous. Et surtout, vous échappez de l'image que vous faites de votre propre personne au quotidien. Et dans les études un petit peu plus raffinées, alors, pour ces messieurs, est-ce que l'éjaculation, c'est l'orgasme ? Réponse de ces messieurs, oui ou non ? Je vous pose. Ah oui ? C'est pas forcément la jouissance, mais c'est l'orgasme. Eh bien, c'est faux. Eh bien oui, parce que ce n'est pas mécanique. Ça nous vient d'un sexologue très célèbre. Orgasme et éjaculation ne sont pas liés. Un homme peut aussi éjaculer sans avoir d'orgasme ou avoir un orgasme sans éjaculer. Mais si ce phénomène existe, il ne représente pas la majorité des cas. Bien souvent, quand l'homme éjacule, il a un orgasme dans la foulée. Mais disons que, contrairement à l'idée qu'on se fait, et plus généralement, un rapport sexuel, pour l'homme, c'est pas forcément gratifiant, ça peut être long et chiant aussi. Et ça nous arrive beaucoup moins souvent qu'à vous, mesdames, il faut le reconnaître. Mais ça nous arrive aussi parfois. Et des fois, pardonnez-moi cette vilaine expression, tu lâches la purée pour te débarrasser justement, pour que la femme soit contente. Elle se dit, bon, bah, il a éjaculé, il a joui, alors qu'en fait, c'est pas vrai, mais t'oses pas l'admettre pour pas lui faire de peine, par exemple. Bah, il faut communiquer alors, il faut en communiquer, il y a un commu. Je voulais juste signaler, apporter un contrepoint de vue masculin à ce que tu disais. C'est très bien de le dire. Alors, on va revenir aussi sur des petites choses qui ont encore cours. Est-ce que l'orgasme clitoridien est plus puissant que l'orgasme vaginal ? Bah oui. Bah, moi, je serais tentée de dire que ça dépend essentiellement de la femme. Hein. Alors, dans les études, ces formes de jouissance féminine sont liées, que les femmes ne les ressentent pas de la même façon. L'orgasme de la zone G au niveau du vagin comparé à l'orgasme clitoridien est plus intense, puissant, voire prodigieux. Ça, c'est des études scientifiques. Je trouve le ton un peu péremptoire, parce que je ne suis pas forcément d'accord. Il se ressent plus profondément vaginal, oui. Ça va de soi. Et il est plus long, il s'étend plus loin dans le corps, il est plus comblant. Ça, c'est un médecin sexologue qui le dit. Il est plus comblant, ça, c'est son avis. Pas forcément celui de toutes les femmes. Et puis encore, passé un certain âge, le sexe ne fait pas de bien aux hommes, mais aux femmes, si. C'est un peu péremptoire aussi. Par contre, plus les femmes avancent en âge, plus elles jouissent. Les mesdames, je vous en prie, hein, arrêtez de penser qu'il n'y a qu'à 20 ans qu'on arrive à avoir des orgasmes. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les moins de 30 ans connaissent l'extase clitoridienne peut-être plus facilement que vaginale. Pourquoi ? Parce que les femmes ont acquis une meilleure connaissance de leur corps et de son fonctionnement et elles ont moins peur de s'abandonner. Ceci étant, puisque nous, femmes, nous avons un clitoris, nous avons un vagin, n'hésitons pas à les utiliser. Merci, messieurs. Voilà, donc, des petites choses comme ça. Juste pour revenir à faire un aparté sur ce que disait ce scientifique que tu citais à l'instant, c'est vrai qu'on est toujours imprégné, sans forcément être mal intentionné, imprégné par les idéologies du passé. Et quand le mec dit qu'effectivement, il est plus... c'était quoi son terme quand il disait que l'orgasme vaginal était plus comblant ? Plus comblant. Voilà. Là encore, on est dans les... Enfin, moi, j'ai l'intention d'entendre le docteur Freud quoi, qui disait que les femmes qui avaient que des orgasmes clitoridiens étaient immatures. Et qui, pour devenir mature, il fallait qu'elle ait des orgasmes vaginaux. Ça, c'est vraiment l'idéologie misogyne. Mais quoi. Je l'ai sorti et c'est une étude de 2018 quand même. Je trouve ça confondant de tristesse quand même qu'un sexologue arrive à sortir ce genre de conneries. Hein. Enfin, permettez-moi de le dire. Disons qu'on sent qu'il y a ces influences. Après, est-ce que c'est que des conneries ? A priori, non. Mais c'est vrai c'est que. C'est pas que des conneries, mais je supporte assez mal le fait qu'un sexologue dise haut et fort que l'orgasme vaginal est plus comblant. Qu'il comble, du verbe combler, il va plus profondément, certainement. Mais de là à penser que la femme est davantage comblée parce qu'elle a eu un orgasme vaginal, j'en suis pas certaine. Et ça, les lesbiennes, ça doit bien les faire rire, effectivement. Ah bah certainement. Alors sinon, dans les autres petites choses, j'avais lu tout un tas d'études plutôt rigolotes sur les femmes qui étaient multi-orgasmiques et qui pouvaient... elles sont multi-orgasmiques, c'est vrai, même au cours d'un rapport sexuel. Celles qui étaient capables d'avoir des orgasmes à propos de rien. Toi, tu m'as parlé de la zone... J'y reviendrai tout à l'heure. La zone. Et une des femmes disait qu'elle était capable d'avoir un orgasme en se caressant le sourcil. Donc, je voulais vous dire que nous avons testé avec mes collègues féminines. Je les ai donc branchées parce que quand même, nous, il faut qu'on vérifie ce qui est dit. Donc, nous nous sommes toutes caressées les sourcils pendant un bon moment de la journée. Aucune d'entre nous n'a eu un orgasme. Je vous le dis. C'est dommage parce que sinon, c'était quand même un truc très facile à faire. Sur ton lieu de travail, tu te passes le doigt sur le sexuel, sur le sourcil et après, t'entends Mais voilà, mais bon, ben ça marche, ça n'a pas marché sur nous. Mais mettre des petits coups de langue sur les sourcils ou les paupières de sa partenaire, ça pas compte Certainement, ça peut, c'est une source de plaisir, mais on ne peut pas se le faire tout seul. On n'a pas atteint l'orgasme. Donc la masturbation du sourcil, laissez tomber, ça non, ne donne rien. Merci pas. Laurence d'avoir investigué pour nous. Et juste la partie que je voulais faire à propos des éléments que tu venais de donner. Là par contre c'est une opinion personnelle, ça n'engage que moi parce que d'une personne à l'autre, on ne réagira pas de la même façon. T'as toujours encore je parlais des idéologies du passé, on est encore imprégné de ça, que ça nous plaise ou non. Et d'ailleurs tu parlais d'une position qui s'appelle l'Amazone, hein, qui est bien une référence aux Amazones de la Grèce antique. Mais il y a le gaufrier aussi, paraît-il, qui marche très bien. Ah, il faudra que tu fasses un dessin. J'ai pas eu le temps de regarder ce que c'était. C'est une position qui pratique du côté de Bruxelles, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, ouais, toutes les zones en fait de stimulation, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, toutes les zones de stimulation constituent sans doute un ensemble. Certains seront plus sensibles à tel point qu'un autre. Certaines se définiront plus comme vaginales, peut-être parce que leur morphologie à elles, par rapport à ce que tu disais, par rapport au clitoris, peut-être placé un peu trop loin tout de la paroi vaginale, ne leur facilitera pas la stimulation de cette partie de leur corps. Et du coup, bah, elles auront peut-être à leur insu, développer d'autres façons d'atteindre l'orgasme. Sans quoi, elles ont bien raison d'ailleurs. Et puis sinon, donc, il y a ce fameux débat vaginal contre clitoridienne qui date au moins des années 60. Et je tiens à préciser aussi qu'évidemment, il y a des tas d'autres, ne serait-ce qu'au niveau de l'épiderme, tu parlais des sourcils à l'instant, on en rigolait, mais il y a des tas de parties de l'épiderme qui peuvent être, je ne sais pas, pour un homme par exemple, on n'en parle jamais, mais l'intérieur des cuisses ou les fesses, c'est extrêmement, extrêmement stimulant. Et sinon, pour ce qui est de la morphologie féminine, et conclure là-dessus, d'après ce que j'en sais moi, mais peut-être que les auditeurs, eux, auront des connaissances que je n'ai pas. Il y a aussi une zone tout au fond de... Enfin, pas tout au fond, bien entendu, on ne va pas jusqu'aux trompes de Fallope, mais que l'homme peut stimuler, que ce soit avec son sexe ou avec ses doigts. C'est tout au fond du vagin. Il y a une zone érogène aussi à ce niveau-là qui se trouve à l'entrée du col de l'utérus. C'est comme le point G, qui se trouve, lui, beaucoup plus en avant sur la paroi interne du vagin, qui a une texture un peu spongieuse, et c'est comme ça qu'on peut le retrouver. Eh bien, là aussi, c'est assez sensible si votre partenaire, bien entendu, vous laisse la stimuler à ce point-là. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir avec un cunnilingus, mais c'est aussi quelque chose qui existe. Et à mon avis, ces trois zones que je viens de décrire se conjuguent entre elles. Et après, selon d'une personne à l'autre, d'une femme à l'autre, eh bien, elles seront peut-être plus sensibles à ceci ou cela, d'où l'importance des préliminaires, d'où l'importance de l'angle, on te taquinait là-dessus bien entendu, que tu nous décrivais tout à l'heure, et des positions qui permettent de pratiquer ces angles de pénétration, ou non d'ailleurs, que tu précisais tout à l'heure. Voilà. Il y a d'ailleurs un mouvement, juste pour finir, il y a d'ailleurs un mouvement qui naît, qui prend une espèce d'essor là, qui est le mouvement de l'amour sans pénétration. Comme quoi, la pénétration n'est plus obligatoire. Et je pense juste, je dis juste ça, parce qu'on avait fait une émission sur les EHPAD, la sexualité des personnes âgées, parce qu'il arrive un moment où c'est un peu clinique, c'est un peu biologique. Le corps de la femme coince à la pénétration si elle avance en âge, il y a de la sécheresse vaginale, il y a tout un tas d'obstacles et de freins à la pénétration, ce qui fait qu'elle... ça devient très très difficile et très douloureux pour elles. Donc elles sont obligées de redécouvrir des zones de plaisir et d'atteindre des orgasmes différemment. Et ça marche aussi très bien. Je pensais à cette no-pénétration pour une catégorie de personnes qui avancent en âge et pour qui ça devient un peu compliqué. Mais c'est vrai que tu le disais, avec l'âge, on découvre d'autres façons d'avoir du plaisir. Notre corps change aussi, et on avait déjà un petit peu parlé de tout ça, mais on peut y revenir. Et du coup, l'épiderme change lui aussi, et on s'aperçoit qu'il y a des zones de notre corps qui peuvent procurer beaucoup de plaisir par le contact. Et si ce n'est pas forcément l'orgasme clitoridien ou vaginal dont on parlait tout à l'heure, ou de ce point au fond du vagin qui n'a pas de nom d'ailleurs, hein, aucun scientifique lui a donné un nom à ma connaissance, mais il existe bel et bien. Eh bien, il y a aussi des zones, notamment au niveau du pied, qui permettent de stimuler des organes d'autres parties du corps. Je m'explique. C'est aussi le postulat de la réflexologie plantaire. Alors là, je ne suis pas en train de vous parler de fake médecine du tout. Ce sont bien des choses qui existent, mais qui ont donné d'ailleurs des anecdotes plutôt croquignolesques liées à la médecine du travail. J'en ai notamment deux, une en Australie et une au Brésil. Il faut savoir qu'au niveau du pied, le massage du pied, d'ailleurs il peut faire partie aussi des préliminaires, permet de guérir quelqu'un. On ne va pas guérir quelqu'un du sida ou d'un rhume en lui massant les pieds. La réflexologie plantaire, ce n'est pas ça. Mais le fait est qu'on peut aider à la guérison en stimulant des zones, massant des zones précises du pied qui correspondent à des organes internes ou des muscles. Voilà, notamment. Et ben, les organes sexuels font partie des zones qu'on peut retrouver sur le pied. Et notamment, messieurs, mesdames, si je peux me permettre de vous donner, pas un conseil, évidemment, je n'ai pas de conseil à donner, mais au moins une suggestion, sachez que sous la cheville droite externe de votre partenaire, de madame, eh bien, vous avez une zone qui permet de stimuler ses organes génitaux. Et vous avez notamment, en massant la cheville droite, vous pouvez donner beaucoup de plaisir, voire quasiment un orgasme, à votre partenaire féminine. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des exemples croquignolesques liés à la médecine du travail, et notamment en Australie, justement, il y a une dame qui a été admise en incapacité jusqu'à une opération, en tout cas, puisque quand elle avait des orgasmes qui l'empêchaient de bosser, tout simplement, parce qu'elle avait des chaussures de sécurité ou quoi, qui lui comprimaient les pieds au point qu'il lui comprimait aussi la zone de réflexologie plantaire que je viens de vous décrire, et qu'elle ne pouvait pas bosser parce qu'elle avait des orgasmes qui l'empêchaient de se concentrer. Voilà. Et au Brésil, même chose. On rigole, mais ce n'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle du tout. Enfin... Et au Brésil, pareil. Là, elle a été indemnisée par la médecine du travail. Alors, en droit brésilien, je ne sais pas trop ce que ça donne. Pourtant, elle bossait dans les bureaux, etc. Mais c'est vrai qu'elle avait une petite anomalie. Alors, elle, ce n'était pas par rapport à des chaussures ou quoi. C'était juste une petite anomalie morphologique qui faisait qu'elle avait des orgasmes beaucoup plus facilement, et j'ai plus les détails de l'affaire, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup fait rire, et du coup elle était inapte à bosser même dans un emploi de bureau. Mais j'imagine bien le certificat médical établi par la médecine du travail, raison, motif, trop d'orgasmes, t'imagines, moi je trouve ça... Mais, voilà, mais c'est vrai que ça nous fait sourire, évidemment, mais ce sont bien et bien des choses qui existent. Ce sont des cas très exceptionnels, bien entendu, mais ça prête quand même à réfléchir. Par contre, il y en a qui, eux, sont un petit peu à la traîne, hein, et on peut pas les blâmer, bien entendu. C'est les gens qui souffrent d'anorgasmie, c'est-à-dire qu'ils ont de l'excitation sexuelle, ils ont du désir, mais ils n'arrivent pas à conclure. Là aussi, ça concerne une zone, enfin une partie infime de la population, mais qui a priori, c'est un blocage parfois dans la tête, parfois c'est neurologique, comme tu précisais tout à l'heure. Et du coup, c'est vrai que tout réduit que soit le nombre de personnes qui souffrent de ça, c'est vrai que ça mérite d'être signalé parce que c'est, déjà, c'est pas drôle à vivre, tout simplement. Et puis en plus, c'est comme l'éjaculation, c'est moins fréquent que l'éjaculation précoce. Pareil, on peut faire un travail sur soi. Très rarement, il y a besoin d'une opération chirurgicale. En général, c'est plutôt des raisons psychologiques. Et du coup, on ne peut pas s'épanouir du fait qu'on y perd un peu de son identité quelque part. Voilà. Donc, ça n'a pas tout à fait la même chose que la frigidité, mais ça existe, l'anorgasmie, et ça concerne aussi certains hommes comme femmes d'ailleurs, certaines personnes parmi nous. Voilà. Tu avais d'autres éléments, je crois Non, parce qu'on a parlé tout à l'heure de... Non, je vais te laisser la parole. Juste tout à l'heure, tu parlais des bienfaits de l'orgasme sur la peau, sur les cheveux, sur le corps et tout. Et c'est une expérience à laquelle s'était prêté un photographe brésilien, d'ailleurs, qui a demandé à des femmes si elles acceptaient qu'il les photographie avant et après l'orgasme. Alors la demande, elle peut paraître un petit peu comme ça, un petit peu saugrenue. J'imagine bien que moi, si un photographe me dit ça dans la rue comme ça, je me dis « Oh !» Mais bon, ça faisait quand même partie d'un projet, de project d'ailleurs. Et bon, certaines femmes se sont prêtées à l'expérience. Donc vous pouvez voir les photos sur le net. Et c'est tout à fait saisissant. C'est le Wine... Alors ça, c'était le O Project. Une série de photographies qui montre des femmes dans toute leur diversité, avant, pendant et après un orgasme. Et c'est vraiment saisissant parce que tout à l'heure, tu parlais de cette idée de plénitude. On les voit avant, même des femmes qui ont fini une journée de travail ou qui sont fatiguées. C'est tous les âges. Hein. Avant, pendant et après, elles sont, il y en a qui sont carrément hilares. Mais elles sont, en tous les cas, toutes rayonnantes et elles ont toutes ce quelque chose qui te fait dire là, elles irradient quoi. C'est vraiment elles se sont fait du bien, elles ont eu du plaisir, elles ont atteint l'orgasme et ça se voit. Et c'est très intéressant. Moi j'ai regardé les photos, c'est vraiment l'adjectif qui me vient à l'esprit, c'est tout à fait saisissant. Donc, et le photographe... Tu sais que ça répond à une niche du... Ça correspond aussi à une niche du porno, ça. Il y a des films où on voit que le visage de la personne qui est en train de se masturber. Voilà. Ça existe. Mais là, on voit pas. Hein. Elles se sont masturbées. Elles ont... J'ai pas eu toutes les coordonnées de l'histoire où elles ont peut-être eu un partenaire, mais il a pas montré. Il n'a montré que le visage. Avant, après, quoi. Oui, avant, pendant et après. C'était petit peu audacieux comme projet, mais il a trouvé des participantes. Ben, c'est curieux. Enfin, moi, ça me rappelle une autre démarche faite par un photographe américain, celui-là. Mais là, c'est quand même un peu plus tristouné. C'est-à-dire qu'il avait photographié des soldats, des jeunes recrues, avant qu'ils partent en Afghanistan et 6 mois plus tard, quand ils revenaient. Et donc, c'était des visages de gamins, pas forcément l'air très fut-fut, etc. Mais ils avaient un genre de bonhomie dans leur visage, où tu vois des rondeurs un peu adolescentes, etc. Et puis quand ils rentraient, le visage n'avait pas forcément changé radicalement, mais les yeux, l'expression des yeux était soit vide, abruti, genre tu vois, ils étaient défoncés, soit comme la rétine était imprégnée. Ouais, voilà, exactement. La rétine peut-être parfois aussi plus dilatée, comme s'ils avaient vu des choses qui les ont changées à jamais, quoi. Voilà. Et donc voilà, une expérience artistique comme celle de ton photographe brésilien. On vous parlait de chiffres tout à l'heure en ouvrant ce sujet. On va justement conclure avec quelques chiffres, puisqu'on aime bien, la presse aime bien nous en publier pour nous émoustiller, et les scientifiques aiment bien les citer. visiter pour valider leurs expériences. Et du coup, nous, on s'est amusé à en recouper quelques-uns. Alors évidemment, les chiffres, les statistiques, tout ça, on leur fait dire un petit peu n'importe quoi. Mais le fait est qu'il y a des constantes et des redondances. Et une qui m'a, moi, intrigué, c'est, vous vous souvenez de la fameuse chanson de Georges Brassens, 95 fois sur 100, la fameuse s'emmerde en baisant. Évidemment, ça, je veux bien croire qu'à une époque, ça a été le cas. Et je me permets de rajouter que peut-être que les hommes s'embêtaient aussi, mais qu'ils n'osaient pas l'admettre. Oui. Et, ou tout simplement parce qu'ils n'avaient pas forcément de point de référence. Depuis les années 60, la libération sexuelle des années 70, on a quand même fait beaucoup de progrès. Il y a encore énormément à faire. Et des fois, on a l'impression que le niveau baisse avec les jeunes générations qui sont élevées au porno hardcore. Mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui font des efforts pour satisfaire leur partenaire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'avoir la démarche inverse pour se préoccuper un petit peu des hommes et de cette idée un petit peu que l'orgasme masculin est forcément quelque chose de primitif qui se limite à l'éjaculation. Tu nous l'as rappelé tout à l'heure que ce n'était pas vrai. Et il y a tout de même quand même des redondances, disais-je. Et c'est qu'il y a un nombre constant de femmes qui n'ont jamais d'orgasme. Notamment, il y a dans une étude qui datait de l'an dernier, de novembre 2018, il y avait un chiffre qui s'est vu confirmer que sur les 12 derniers mois, que ce soit au Canada ou en France, ça s'est limité aux pays francophones, au Canada ou en France, il y avait 20% des femmes, une femme sur 5, qui n'avait pas eu d'orgasme du tout au cours des 12 derniers mois. Alors, si elle n'a pas de partenaire, ça peut se comprendre, mais pour des femmes en couple, c'est quand même un petit peu surprenant. Ou des femmes qui cavalent. Quand je dis qui cavalent, c'est absolument pas un jugement de valeur. C'est juste que, bien sûr, oui. Contrairement à ce qu'on pense, le fait de multiplier les partenaires sexuels n'est pas forcément une assurance d'avoir plus d'orgasmes. Plus de diversité, ça sans doute, mais pas forcément plus d'orgasmes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un chiffre comme ça qui revient dans plusieurs statistiques. Et après, il y a toujours les bonnes vieilles querelles de chapelle. Est-ce que les Français sont de meilleurs amants que les Italiens, qui sont eux-mêmes de meilleurs amants que les Anglais, etc. Pareil, mais pas pour les Françaises. Alors vas-y, dis-nous. Mais non, juste, toi, les Français sont réputés être les meilleurs amants, et les Françaises, il paraît qu'on est à la traîne. Voilà, j'ai appris que nous étions à la traîne, que nous passions loin derrière nos copines d'Outre-Manche et d'Allemagne. Alors, moi, je rappelle quand même que il faut croire, c'est dit, hein, faut croire que les amants français ne sont peut-être pas si inventifs et altruistes que ça. Et peut-être aussi que les Françaises sont plus sincères que les autres. Mais bon, nous sommes à la traîne depuis un certain temps. Nous sommes dépassés. Oh, bah les filles. Où, quand, comment, par qui unissons-nous. Et tu sais, juste aussi cette fameuse phrase latine « post coitum anima triste ». C'est pas l'animal, hein, c'est l'âme qui est triste après le coït. Je pensais aussi à toutes ces aventures répétées qui, pour un orgasme qui n'est pas garanti, hein, quand même, le libertinage ou pas seulement le libertinage, les aventures successives d'un lit à l'autre. Mmh. Et ben, je pense vraiment, oui, que c'est pas forcément un gage de jouissance ni même d'orgasme. Ça doit rendre très triste, en fait. Peut-être, hein, j'en sais rien. Puis ça peut paraître correspondre à des périodes de la vie, mais c'est vrai, oui, que c'est pas ça se voit confirmer régulièrement, quoi. Enfin, disons qu'en plus on a peut-être, en tout cas c'est comme ça que se l'expliquent certaines personnes qui vivent ça, hommes ou femmes d'ailleurs, c'est que quand tu as un one shot, comme on dit, un plan d'un soir, tu auras moins tendance à t'investir pour faire plaisir. À moins, ça existe quand même des partenaires qui sont particulièrement généreux. Il y a toujours des exceptions, mais grosso modo, la plupart des gens n'auront pas forcément envie de s'investir et seront là juste pour leur plaisir à eux. Alors après, évidemment, on peut donner beaucoup de plaisir en se préoccupant que du sien. Mais c'est pour des baises rapides, sauvages, etc. Mais quand on cherche à faire quelque chose qui dure un peu plus de 10 minutes, là par contre, c'est vrai que pour aller dans le sens de ce que tu disais, la plupart des gens confirment que c'est pas forcément un gage de qualité de multiplier ce genre d'expérience de coup d'un soir, même si on peut tout de même apprécier la diversité que ça permet d'obtenir. Voilà. Nous sommes d'accord. Mais on va quand même approcher de la fin de cette chronique, parce que sur un tel sujet si riche, on aurait pour en parler beaucoup plus longtemps. Beaucoup. Et je vois que Nourdin commence à devenir tout rouge derrière ses écrans. Du coup, ça chauffe. Je vous parlais de redondance un petit peu dans les statistiques. Évidemment, parfois, c'est un petit peu cocasse. En tout cas, ça nous prête à sourire. Et on sait que les créatures vivantes ont, en tout cas, même chez les insectes d'ailleurs, pas forcément les mammifères, ont des orgasmes qui varient en durée. Et par exemple, je vous citais il y a quelques émissions de cela, des coccinelles qui avaient des orgasmes d'une demi-heure. Quand même assez impressionnant. Il y a bien des femmes humaines qui aimeraient en avoir autant. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si les femmes ont moins souvent des orgasmes que des hommes, ce qui ne veut pas dire que les hommes ont forcément des orgasmes satisfaisant. Avoir un petit orgasme après une éjaculation, c'est post-coitum animatristé dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on voit un peu la misère de l'existence après ça. Enfin, là, je ne vais pas faire de la philosophie à deux balles. Et du coup, pour en revenir à ce que je disais, les femmes ont peut-être moins souvent des orgasmes que les hommes, moins régulièrement, mais quand elles en ont, ça dure beaucoup plus longtemps. Un orgasme féminin peut aller jusqu'à 10-15 minutes dans des cas extrêmes, alors qu'un orgasme masculin, lui, aura plutôt tendance à aller jusqu'à 10-15 secondes. Voilà. Et il y a une humoriste qui a tourné ça avec dérision, une humoriste qui s'appelle Alison Wheeler, qui avait dit dans une de ses chroniques que effectivement les femmes avaient des orgasmes plus longs que les hommes et qu'elle disait bah après tout hein, ils sont payés plus que nous dans les entreprises donc on se rattrape comme on peut. Voilà. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Toujours est-il que tout ne se limite pas à l'argent hein, ni au nombre de partenaires ni à l'âge qu'on a, mais tout se compte aussi beaucoup en forme d'attention, en forme de générosité, en forme de connaissance de soi et aussi en forme parfois aussi d'humilité. Et là je vais donner un exemple, c'est le cas des homosexuels dont on n'a pas beaucoup parlé dans cette chronique. Pourtant, eux aussi sont concernés par l'orgasme, en tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Et il y a beaucoup de gens qui finissent par admettre, soit du bout des lèvres, comme c'est mon cas, soit par des gens qui, eux, le savent pour l'avoir pratiqué, en avoir fait un des éléments centraux de leur existence, que la meilleure jouissance dans l'acte sexuel, c'est pas forcément de pénétrer. Ah, oui. Ce qui est encore une idée qui nous vient d'ailleurs des Romains. Hein. C'est-à-dire que les Romains, par exemple, ils n'avaient pas de mots pour dire homosexuel. Tu pouvais enculer un homme ou faire l'amour avec une femme. De toute façon, si tu étais celui qui pénétrait, tu n'étais pas avili. Donc ça allait. Voilà. Et pour cette petite anecdote pour la mentalité de l'époque, mais qui nous poursuit aujourd'hui. Et il y a toujours cette idée que si tu pénètres, ça va, quoi. Alors que si tu es pénétré, surtout quand tu es un homme, alors là, tu es celui qui est faible, esclave, qui est avili par rapport au fait que ton statut social t'impose, te laisse pas l'option, t'impose d'être performant dans tout ce que tu fais parce que c'est une des normes de la virilité. Et les homosexuels, de fait, de par leur sexualité particulière à eux, montrent qu'en fait, un des plus grands plaisirs sexuels, c'est peut-être aussi d'être pénétré. Et ça, c'est très difficile à admettre. Et à mon humble avis, ça n'engage que moi, mais les hommes sont conscients de ça depuis des siècles. Juste, ils ne peuvent pas l'admettre par fierté personnelle ou parce que les conditions sociales et culturelles ne s'y prêtent pas. Dans une société comme la nôtre, ce n'est pas forcément facile qu'on a envie de se faire mettre un doigt dans le cul. Par exemple, il y a cette humoriste. Ah zut, elle a des textes assez acérés. Blanche Gardin, voilà, oui, pardonnez-moi. Oui, Blanche Gardin qui, justement, s'était amusée à tourner ça en dérision en disant que les mecs, vous avez joué les effarouchés dès qu'on vous met la main aux fesses et puis qu'au bout de quelques mois avec le même partenaire, hey, « Eh chérie, tu pourrais me mettre le doigt là où tu sais, s'il te plaît ?» Voilà. Donc après, peut-être qu'il y en a parmi vous, et moi je reconnais volontiers que j'ai un tel tabou à ce niveau-là que pour moi c'est inconcevable. Voilà, je m'excuse de raconter ma vie, mais c'est la vérité. Et je suis sûr qu'il y a des tas de mecs qui sont comme moi. Mais en même temps, je suis conscient que je passe sans doute à côté d'un grand plaisir que eux, les homosexuels, ont la maturité ou la capacité de reconnaître, ce qui leur vaut aussi parfois des jugements sociaux et une violence sociale, oui, qui, de moins en moins, heureusement d'ailleurs, mais qui assume aussi ce côté qui fait partie de la psyché masculine. Après, tu as des tas d'homosexuels qui sont aussi des gros connards individuellement, c'est pas la question. Mais voilà. Et ça, je me suis aperçu aussi que pour certaines féministes, pas toutes, hein, heureusement, mais les féministes qui viennent plutôt de l'école américaine, qui a été beaucoup influencée par des universitaires lesbiennes, qui, elles, détestaient un peu leurs conditions féminines et parfois donnaient l'impression d'avoir envie d'avoir regretté d'être née femme et d'avoir aimé être née homme, et qui, justement, interprétaient le fait d'être pénétrée comme un avilissement, tout autant que les hommes du patriarcat qu'elles dénoncent. Et du coup, j'en ai pas vu beaucoup. Mais c'est aussi une mentalité qui, moi, me fait un petit peu peur. Et j'ose croire que les femmes, en France, on a eu des féministes qui nous ont un petit peu épargnés de ça. Mais comme le féminisme américain est de plus en plus présent dans la société française, pour de bonnes raisons, mais pas que à mon avis, ça, là encore ça n'engage que moi, eh bien peut-être qu'aussi la course à l'orgasme s'en verra un petit peu avilie en quelque sorte, ou en tout cas s'en verra un petit peu compromise, du fait non seulement des injonctions de la presse, etc., ou des méthodes des auteurs de développement personnel, ou des méthodes de Bagnat, etc., parce que tout ça c'est des gens qui vous disent lisez mon article, achetez mon bouquin, je vais vous apprendre comment avoir un orgasme. Ça, c'est des gens qui ont quelque chose à nous vendre. Et du coup, ils ont tout intérêt à nous dire qu'on ne vit pas de la bonne manière, on n'a pas le plaisir sexuel qu'on mériterait d'avoir, du fait que on devient leur client en nous maintenant dans cette mentalité-là. Et d'un autre côté, vous avez des idéologues qui méritent qu'on les écoute, mais qui méritent aussi qu'on se méfie parfois de leur thèse. Et qui aussi sont dans cette idée que l'orgasme qu'on a, le plaisir qu'on a avec un partenaire qu'on s'est choisi, n'est pas forcément le bon, sinon on tombe sous rayer la mention inutile, la volonté du patriarcat, t'as jamais essayé de te faire chatouiller la prostate, mais tu sais pas si c'est bon, c'est parce que t'as jamais essayé, l'argument de tous les homos qui draguent, etc., etc. Donc ce sont des recherches personnelles, beaucoup trop importante pour vous, chers amis, chers petits fripons qui nous écoutez, pour que vous vous laissiez influencer par des gens qui savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc je me permets de faire cet aparté un peu long en conclusion non, de cette chronique. Non, c'était important de le dire. Parce que ça me tenait à cœur et c'est tellement, comme je l'avais donné avec l'exemple de mon ex-copine qui m'avait raconté cette femme qu'elle avait croisée dans la rue, et ça se voyait tellement que la femme était épanouie, heureuse dans sa vie sociale, etc. Je sais pas, mais en tout cas, épanouie sexuellement. Toi, tu nous as donné des éléments pareils qui allaient dans ce sens-là. À titre individuel, pour chacun d'entre nous, c'est beaucoup trop important pour qu'on s'emmerde avec des idéologues ou des gens qui font du commerce. Voilà. Donc, c'est dit. Voilà, chers amis, on va conclure un petit peu sur le sujet en faisant une petite pause musicale avec un groupe de rock de la fin des années 70 qui avait justement nommé, d'après le thème qui nous soucie ce soir, un de ses morceaux. Tout de suite, on écoute les Buzzcocks avec le titre Orgasm Addict. Well, you tried it just for once, found it all right for kicks, but now you find out that it's a habit that sticks on your orgasm addict. You're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. Now your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're getting the heat, you're getting that salt, but you're still keeping beating. Ces lampadaires, les sapins aussi se sont enguirlandés de lumière. Et comme chaque année, en cette période de fête, Michel et Père Noël aux Galeries Lafayette. Il a mis sa robe rouge et sa barbe blanche. Depuis un mois pour Michel, c'est tous les jours dimanche. Il est triste toute l'année, mais quand décembre vient, dans le cœur de Michel, Michel danse des milliers de petits lutins. Mais Michel vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël, toi aussi Michel. Michel, dans la vie, ce qu'il aime plus que tout, c'est avoir des petits enfants sur ses genoux. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, apparemment. C'est ce qu'il s'est dit quand il a pris 9 ans. Mais en Papa Noël, Michel est trop content. Il peut leur faire des bisous sans qu'ils partent en pleurant. Quelle belle revanche sur la décision judiciaire qui lui interdit de s'approcher des écoles primaires. Quel beau pied de nez au directeur de prison qui ne croyait pas du tout en sa réinsertion. Il a réussi à allier travail et plaisir. Quelle belle leçon à ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais Michel vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël, toi aussi. À l'instant, Guy Edré avec une de ses chansons sordides qu'elle nous chante avec son petit air d'ange polisson. À l'instant, c'était Guy Edré qui a interprété Michel, hein, qui se reconvertit en Père Noël durant la période des fêtes. Mais c'est peut-être pas la personne la plus indiquée pour le coup. Et c'était enchaîné juste avant avec les Buzzcocks, un groupe de rock britannique qui interprétait Orgasm Addict. Orgasm, qui est l'orgasme en fait, qui aura été notre sujet principal ce soir, puisque 22 décembre, ce sera le solstice d'hiver, ce sera aussi la journée internationale de l'orgasme qui annoncera, hein, de manière un peu friponne, la période des fêtes pour conclure cette année 2019. Voilà, on va se dire au revoir, chers amis. Je retrouve plus les tweets que je voulais vous citer. Bon, ben, c'est pas grave. Par contre, j'ai une citation d'un coquinou sur Facebook qui avait publié quelque chose d'assez intéressant. Je vous lis, c'est l'éventail, un gars qui dit « L'éventail de mes fantasmes pervers était jusqu'à aujourd'hui une grande banalité. De la nurse anglaise, fausse infirmière mais vraie salope qui me donnait des petits coups de langue de Shakespeare sur les tétons, à Ilsa Louvre DSS qui me fouettait la croupe, hein, vous savez, comme le fabricant de canons mais aussi la partie charnue de votre arrière-train, eh bien rien que de très classique en somme entre ces deux fantasmes-là. Mais cette nuit, j'ai rêvé que Rossi de Palma, la fameuse actrice espagnole, me faisait des choses qu'il m'est interdit de vous décrire ici pour ne pas voir mon compte suspendu, voire chibarifié. Shibari, vous savez, cette tradition japonaise qui consiste à se faire suspendre par des cordes pour avoir un orgasme, justement. Eh bien, donc, je ne peux pas vous décrire, mais cette nuit, j'ai rêvé que Rossi de Palma me faisait des choses coquines, et cette révélation m'emplit d'une grande perplexitude. Et je dois admettre que malgré ma grande réserve à l'égard des institutions de Bruxelles, je ne suis sans doute pas le seul citoyen européen à être disposé, le cas échéant, à payer de sa personne afin de construire l'Europe des dépravés. Voilà, donc ça m'a bien fait rire. Et j'aime à croire hein, qu'en ces périodes où, dans tous les pays européens, la violence gagne du terrain et les droits des citoyens s'amenuisent, eh bien, se comporter comme des dépravés peut au moins rester une des dernières libertés qui nous reste. Alors profitons-en. Voilà, chers amis. Laurence a dû partir un petit peu précipitamment parce qu'elle avait un programme ce soir. Du coup, je suis le dernier à vous dire au revoir, à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Nous, on vous retrouve en janvier 2020 pour d'autres émissions d'Erosmose. Je vous laisse avec la playlist d'Osmose Radio. On vous retrouve la semaine prochaine pour quelques dernières émissions musicales et des rendez-vous autour du labyrinthe de Noël et des fêtes et des commerçants autour d'Avignon. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Salut! Good health, love and peace be all here in this place. By your leave we will sing, concerning our King is well dressed in silks of our best, in ribbons so rare, no king can compare. We have traveled many miles over hedges and skies in search of our King on to you we bring. We have powder and shot to conquer the lot. We have cannon and ball to conquer them all. Old Christmas is past, 12 tide is the last, and we bid you adieu, great joy to the new. And we bid